En chinois, les mots interrogatifs quoi, que ou quel se disent 什么,什么,什么,什么, doigt bleu levé, me, le point fermé pour dire le mot quoi. Comment dites-vous pourquoi? 为什么? Ça veut dire littéralement pour et quoi. Donc nous avions déjà appris à dire le mot pour dire quoi, que ou quel. Donc quel est le mot pour dire quoi? 什么? Doigt bleu levé, point fermé. En visite à Paris, vous vous êtes perdu et vous demandez à un passant « Quel chemin faut-il prendre pour aller à Notre-Dame ?» Comment dites-vous « Qu'est-ce que c'est ?» ou plutôt « C'est quoi ?» Car c'est ainsi que nous le dirions en chinois. Alors, comment dit-on « ce » ?« Je » « est » 是 quoi nam comment avez-vous dit ce je il faut dire je je oui je comment dites-vous pourquoi wei shen alors enlevez la première syllabe et maintenant qu'est-ce qui vous reste shen oui qui signifie quoi, que et quel. Alors encore une fois, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est je suis quoi? Shenme. Comment dites-vous ce? Je. C'est je. Je. Oui, je. Rappelez-vous ce vacancier en Djellaba qui a fait la fête à Djedjerba. Alors, écoutons encore une fois la question. Qu'est-ce que c'est? 这是什么? Et maintenant, dites-moi, qu'est-ce que c'est là? C'est quoi? Avec ce dans le sens de cela. Na. Est. 是. Quoi? 什么? Qu'est-ce que c'est là? C'est quoi? 那是什么? Et voici maintenant un autre avantage de la langue chinoise. La réponse est extrêmement simple. Il suffit de remplir le blanc laissé par le « quoi » dans la question. On demande simplement « c'est quoi ?» et on donne la réponse à la place du « quoi ». Il suffit de remplacer le mot « quoi » avec l'objet de la réponse. Pour demander « qu'est-ce que c'est ?», vous dites simplement « c'est quoi ?» et vous pouvez répondre, c'est un livre, c'est ma maison, c'est sa voiture, etc. Donc, comment dites-vous, qu'est-ce que c'est là, c'est quoi? Avec ce, dans le sens de cela. Na. Shi shen ma. Qui signifie? Qu'est-ce que c'est là? Alors, c'est juste, et la réponse dans ce cas, c'est... Oh, c'est mon livre de français. Alors, dites-moi « c'est » dans le sens de « cela est ».« Na shi » « mon » « wo de » « langue française » « fa wen » « livre » « shu » Comment dites-vous « je » ?« wo » Comment dites-vous « mon » ?« wo de » C'est ça, « wo de » Alors, qu'est-ce que c'est là? C'est quoi avec cela? 那是什么? C'est mon livre de français avec cela. 那是我的法文书. Alors, dites-moi, qu'est-ce que c'est? C'est quoi avec ce, ceci? 这 est 是 quoi 什么 c'est son livre ce 这 est 是 son 他的 livre 书 Qu'est-ce que c'est? C'est son livre. 这是什么？这是他的书。 Excusez-moi, mais je vois pas vraiment pourquoi c'est différent du français quand vous dites que c'est un avantage. Puisqu'en français, vous posez la question « qu'est-ce que c'est ?» et la réponse « c'est un livre, c'est… » Eh bien… Je vois pas pourquoi. Mais la différence, c'est qu'en chinois, on n'a pas besoin de changer l'ordre des mots pour donner la réponse. Oh, je vois. Oui, c'est un élément très important en fait. Et c'est l'élément que j'ai mentionné tout à l'heure quand je vous disais qu'il suffit de remplacer le « quoi » par votre réponse. Et c'est ça qui est un avantage de la langue chinoise. Alors une fois de plus, les Chinois vous donnent la réponse. Bien, j'ai compris. Comment direz-vous « qu'est-ce que c'est là ?»« C'est quoi ?» en employant « cela ?»« Na shi shenme ?»« C'est son livre. » Comment dites-vous « c'est son livre » avec « celui-là »?« Na shi ta de shu » Na shi ta de shu. Et maintenant, comment direz-vous c'est mon ami français? Littéralement, celui-là est mon France ami. Donc en commençant avec celui-là. Na est shi mon wo de France. 法国 ami 朋友 comment dites-vous ami 朋友 c'est 朋友 朋友 surtout rappelez-vous de mon ami Yuan était un as du ping-pong et du yoga mon 朋友 alors écoutons encore une fois mon ami 我的朋友 C'est mon ami français. Celui-là est mon ami français. 那是我的法国朋友 Maintenant, dites-moi, est-il français? Il Ta est Shi France personne. 法国人 Le mot interrogatif. Ma. Est-il français? 他是法国人吗? Et vous répondez non. Alors, comment dites-vous non? 不. Il est anglais. Alors, vous direz littéralement... Il est Angleterre, personne. 他是英国人。 Comment dites-vous personne? 人。Désolé, j'ai dit langue en fait. C'est exact. Donc, non, il est anglais. 不, 他是英国人。 Il est très bien. Alors, il... Ta très hen bien hao il est très bien ta hen hao pourquoi est-il très bien pourquoi wei shen ma il ta très Bien. Pourquoi est-il très bien? Pourquoi est-il très bien?